histoire désobligeante. Extrait. Le frôleur compatissant. Un Rémy de Gourmont. Je le connus en 1864, lorsqu'il était à peine un adolescent. Nous vécûmes ensemble plus de 20 ans et je l'ai aimé comme on aime rarement un frère. Aujourd'hui que le malheureux est descendu un peu au-dessous des morts, je veux bien dire que je fus pour lui l'éducateur le plus diligent, le plus attentif, le plus dévotieux. Tout ce qu'il y eut de bon dans sa pauvre âme, aussi dépourvue maintenant que les greniers de la famine, il le reçut de ma bouche, comme sont nourris les enfants des aigles de nuit qu'épouvante la lumière. J'empruntai à la lampe des autels, à la lampe qui ne s'éteint pas, la flamme tranquille et droite qu'il fallait pour désobstruer une intelligence naturelle, naturellement élaboratrice de ténèbres. Étant l'aîné, je le pris sur mes épaules, et durant un tiers de ma triste vie, je l'ai porté dans la rosace des horizons, le séparant chaque jour un peu plus des niveaux fangeux, à mesure que je grandissais moi-même, et je suis à jamais courbaturé de ce portement. J'aurais eu horreur de me plaindre. Cependant, j'étais si sûr d'avoir arraché une proie au démon de la sottise, une proie d'autant plus précieuse qu'elle semblait, à l'avance, dévolue par son extraction à ce captateur de la multitude. Némorin Thierry avait été récolté d'une basse branche de ce néflier de la bourgeoisie dont les fruits pourrissent aussitôt qu'ils touchent le sol. Il tenait, par conséquent, de ses auteurs, un esprit béant aux idées médiocres et rétractile à toute impression d'ordre supérieur. Pédagogie plus que difficile, tour de force continuelle. Il fallait d'une main boucher l'entonnoir et de l'autre lubrifier les petits conduits, sarcler le terroir et greffer le sauvageon, écheniller et provigner tout à la fois. Il était indispensable de tirer ce pauvre être de lui-même, de le tamiser, de le filtrer, de l'inaugurer enfin, de lui conditionner en quelque manière un petit fantôme, plus vivant qui lui soutira peu à peu son identité. Les résultats furent tels en apparence que je suis excusable d'avoir pu me considérer moi-même comme un thaumaturge, au point d'oublier la loi formelle de régression à leur type rudimentaire, des bêtes ou des végétaux dont on interrompt la culture. J'eus le malheur de ne pas entendre les rappels incessants du gratte-cul, primordial et indéfectible. Je crus, en un mot, que ce pauvre Némorin pouvait marcher seul, et l'ayant étayé 20 ans, je commis l'imprudence irréparable de le déposer sur le sol. Ce qu'il est devenu, je ne sais pas comment j'aurai la force de le dire, mais pouvais-je supposer que tant d'efforts seraient si complètement, si abominablement perdu dès le premier jour, et n'aurait pas d'autre salaire que cette amertume infinie d'en constater à la fin l'inutilité. On le nommait le doux Thierry, et ce n'était pas une antiphrase. Il était doux, comme les plumules des colombes, doux comme les saintes huiles, doux comme la lune. Qu'on ne me soupçonne pas ici d'exagération. Il était vraiment si doux qu'on ne pouvait imaginer un individu appartenant au sexe mâle et, par conséquent, appelé à la reproduction de l'espèce, qui le put être davantage. Il fondait dans la main comme du chocolat, lénifiait l'ambiance, faisait penser aux cocons des chenilles les plus soyeuses. Rien n'aurait pu le mettre en colère. exciter son indignation. Et ce fut le désespoir d'un éducateur acharné à viriliser le néant de ne jamais obtenir le plus pâle éclair, quelque furieusement qu'il attisa et qu'il fourgonna cette conscience gélatineuse. Plusieurs fois, j'entrepris de me rassurer, en supposant une de ces natures que je demande la permission de nommer eucharistique, trempée d'ambroisie et de miel, disait Chénier, dont la force consiste précisément à tout endurer, et qui semble placée aux confins des tourbes humaines pour amortir les collisions ou les bousculades. Mais cet état n'est présumable qu'accompagné de la prédestination théologique. Et par malheur, je le reconnus trop tard, certaines appétences ou velléités obscures écartaient absolument l'hypothèse du vase élu, où se complaisait ma jocrisserie de précepteur. Le Doutierie était simplement un petit cochon, et appartenait à la race peu dominatrice des frôleurs compatissants. Quand commença-t-il à frôler et à compatir? En quel avril de néfaste germination se développa tout à coup ce penchant bifide? C'est Dieu qui le sait. Lui-même, probablement, n'aurait pu le dire lorsqu'il paraissait capable encore de dire quelque chose et d'articuler des sons véritablement humains. Ce que je sais bien, c'est qu'un beau jour, il se trouva complètement outillé pour la fonction. Les bureaux d'omnibus, les crèmeries achalandées par les petites ouvrières, les vestibules des gares, les églises même furent les hippodromes de son choix. Pénétré de cette idée qu'il lui fallait absolument une compagne, il l'a voulu simple, avant toute chose, et, dès lors, par une conséquence aussi nécessaire que la translation des globes, l'albumine de ses ancêtres exigea rigoureusement que la vulgarité sentimentale fût toujours l'élu de son cœur. D'horribles souillasses minaudières lui parurent indécomposables, comme la lumière de l'empyrée. Mais le nombre en était si grand qu'il ne put jamais parvenir à fixer sa dilection. Don Juan, des trottins mûrs et des couturières galvanoplastiques, en instance de protecteur. Il cherchait assidûment l'objet idéal au milieu des foules, avec une patience merveilleuse que nul fiasco ne déconcerta. Il s'acharnait à découvrir la pleureuse, tendre, sur le sein de laquelle il eût pu poser, comme une gerbe de mimosa, son front chauve et pleine d'amnistie. Peu doué, dans le sens physiologique, il réprouvait en amour les pulsations vives, et ne réclamait sans doute que très rarement les joies inférieures. Ce qui l'enivrait, le délectait, le désopilait, saboulait son âme de délices et répandait en toute sa personne le bain joint ou le liban des béatitudinaires langueurs, c'était de toucher à peine, de palper infiniment peu, de promener çà et là, comme le bout de l'aile du zéphyr, son appareil de tactilité. Cependant, qu'il exhalait de mélodieux et pitoyables gémissements sur le triste sort des muguets ou des liserons flétris que foule aux pieds l'indélicatesse des aventuriers de la paillardie. Une si belle constance devait être récompensée. Béatrice apparut un jour à l'itinérant des cieux. Vous éclaterez de rire tant que vous voudrez, mais c'est comme ça. Elle s'appelait réellement Béatrice, et piquée à la mécanique. Némorin la rencontra dans un établissement de bouillon, et la frôla sans lassitude pendant 7 années. Ses entrailles, il est vrai, s'entr'ouvrirent, souvent, même alors à d'intercalaires infortunes qui sollicitaient son pizzicato. Il ne se fut pas permis de claquemurer, ainsi, complètement sa vocation. Béatrice, de son côté, ne parut avoir nulle soif de le confisquer. Entreprit même, tous les printemps et tous les automnes, le licenciement de ce tripoteur lacrymal qui se cramponnait toujours. N'importe, Elle était quand même l'idéal, et la mort seule put la délivrer. Combien de fois, lorsque j'essayais encore de la ressaisir, combien de fois, juste ciel, et avec quels yeux baignés d'infini, m'en parla-t-il, comme les premiers chrétiens parlaient de leur Dieu, sous la dent des bêtes. Enfin, je le répète, cette liturgie de petits frissons et de soupirs lents permit à la terre de rouler 7 fois autour du soleil. Est-elle du moins ta maîtresse? Lui demandai-je quelquefois. Question brutale, j'en conviens, qu'il faisait aussitôt remonter dans son vitrail. Sa réponse négative expirait dans un geste pieux. Ai-je besoin de le dire? Béatrice puait de la bouche, et peut-être aussi, je pense, de ses larges pieds. Elle était si dinde qu'on se sentait pousser des caroncules au bout d'un quart d'heure de conversation. Ses manières correspondaient à sa figure, qu'on eût cru tirée du saloir d'un charcutier de la populace. Hargneuse en même temps, à faire avorter des chiennes, et pudibonde comme l'arithmétique. Elle accueillait, sans trop d'aigreur, dans son lit très pur, les suffrages crépusculaires de quelques boucs épuisés du petit négoce. Le doux Thierry dut se résigner 6 fois sur 10 en lâchant des pleurs à travers la porte close. Il arriva même qu'on faillit le précipiter dans l'escalier, sous l'averse des malédictions les plus ordurières. Ces violences, qui le contristaient, lui parurent néanmoins dérivées d'une âme tout à fait divine, et quadruplèrent naturellement sa ferveur. « Elle a tant souffert, disait-il, élevant ses deux mains jointes vers l'azur pris à témoin. Béatrice, d'ailleurs, perceveur d'idées ou petit cadeau, l'octroi de ce culte est toujours, dès le lendemain, clarifié admirablement la situation. Cette raclure de fille lui fit avaler 500 fois. En un autre style sans doute, mais avec quelle facilité. Le mot fameux de l'éblouissante courtisane. Ah, vous ne m'aimiez plus, vous croyez ce que vous voyez, et vous ne croyez pas ce que je vous dis. Némorin lui-même, dans l'élan sublime de sa foi, rencontra des mots qui me confondirent. Elle m'a tout expliqué, me dit-il un jour, ayant aperçu quelques heures auparavant chez la bien-aimée une paire de pantoufles d'hommes et un râtelier de pipes culottées pour la plupart, beaucoup plus, sans doute, que n'aurait pu le faire supposer l'endroit. Elle lui avait tout expliqué, mais maintenant, ah, maintenant, c'est la mort qu'on frôle, et la sale mort, je vous en réponds, c'est la mort ignoble, qui ne demande pas de compassion, et qui n'en offrit jamais à personne, c'est la mort liquide. Mon Dieu, je l'avais pourtant tenu dans mes bras, cet enfant du rien, ce fils de l'inexistant, ce jumeau de l'insignifiance et de l'illusion, dont j'espérais former un être vivant. J'avais tenté de lui inspirer mon âme. J'avais travaillé, souffert, prié, crié, sangloté pour lui. Des années, les plus chères et les plus précieuses de la vie. J'avais pris sur moi des peine affreuse qu'il n'aurait pas eu la force de porter. Tout ce qu'un homme peut faire, je crois l'avoir fait vraiment, pour qu'il fût armé contre les assignations du néant. J'avais fait passer devant lui, j'avais déroulé sur lui les images que rien n'efface. Je m'étais exterminé pour lui dessiner un trompe-l'œil des réalités qui ne peuvent pas finir. Et je n'ai pas même obtenu de réaliser une canaille. Il demande aujourd'hui, gâteusement, du matin au soir, qu'on ne plante pas de croix sur sa tombe, et il faut soutenir sa lèvre inférieure quand on lui donne à manger avec une petite cuillère d'étain. tout ce que tu voudras. Au prince Alexandre Rousseff. Maxence, fatigué d'une longue soirée de plaisir, arrivait à l'angle de la rue et de la ruelle Duplex, de l'autre côté de l'école militaire. L'endroit simplement ignoble, en plein jour, était à 1 heure du matin. Cette nuit-là, quelque peu sinistre. La ruelle noire, surtout, ne rassurait pas. Ce tronçon de voie fangeuse, où l'on travaille à vil prix l'artilleur et le cavalier dans des garnos effrayants, inquiétait le noctambule. Il délibéra pourtant. Une rumeur arrivait du boulevard de Grenelle, redoutée des sages, et l'horreur de tomber dans un conflit de pochards l'inclinait à choisir le boyau mal propre, à l'extrémité duquel il se croyait sûr de trouver un plus paisible vallon pour le cours de ses rêveries amoureuses. Il sortait des bras de sa maîtresse, et sentait le besoin de cuver sa paillardise dans la somnolence d'un retour sans perturbation. « Eh bien, te décides-tu, oui ou non ?» dit une voix abjecte qui cherchait à se faire aimable. Maxence, alors, vit se détacher du mur, le plus proche, une grosse femme qui vint lui offrir la denrée précieuse de son amour. « Et je ne te prendrai pas cher, va, et je ferai tout ce que tu voudras, mignon. » Elle défila le programme. Le rôdeur immobile écoutait cela comme il eût écouté battre son cœur. C'était stupide, mais il n'aurait pu dire pourquoi cette voix le remuait. Il n'aurait pu le dire, le pauvre homme, quand même il se fût agi de sauver sa peau. Cependant, son trouble était bien certain. Et ce trouble devint une angoisse insupportable. Quand il sentit son âme s'en aller à la dérive sur ce boniment d'ignominie qui le portait comme un reflux vers les amants les plus lointains de son passé. Souvenir de suavité merveilleuse que cette façon de reparaître profanait indiciblement. Les impressions de son enfance avaient été quelque chose de divin, et sa vie actuelle n'était hélas à rien de glorieux. Lorsqu'il cherchait à se récupérer, en les évoquant après quelques noces, elles accouraient bonnement et fidèlement à lui, ses impressions, comme des brebis frileuses et abandonnées, qui ne demanderaient pas mieux que de toujours suivre leur pasteur. Mais cette fois, il ne les avait pas appelées, elles venaient d'elles-mêmes, ou plutôt c'était une autre voix qui les appelait, une voix aussi écoutée, sans doute, que la sienne. Et c'était abominable de n'y rien comprendre. « Tout ce que tu voudras, je te ferai tout ce que tu voudras, mon trésor. » Non, vraiment, ce n'était pas tolérable. Sa mère était morte, brûlée vive dans un incendie. Il se souvenait d'une main carbonisée, la seule partie qu'on eût osé lui montrer du cadavre. Sa sœur unique, son aînée de 15 ans, qu'il avait élevé avec tant de sollicitude et de laquelle il tenait ce qu'il y avait en lui de meilleur, avait fini d'une manière non moins tragique. L'océan l'avait avalé. Avec 50 passagers, ou passagères, dans un naufrage trop fameux, sur l'une des côtes les plus inhospitalières du golfe du Gascogne. Il n'avait pas été possible de retrouver son corps. Et ces deux créatures douloureuses le possédait chaque fois qu'il s'accoudait, en regardant couler sa propre vie sur le parapet de sa mémoire. Eh bien, c'était horrible, c'était monstrueux, mais la gueuse qui le tenait là sur le trottoir, sur ce quai d'enfer, comme dit Maeterlinck, avait exactement la voix de sa sœur, de cette créature d'élection, qui lui avait paru appartenir aux hiérarchies angéliques et dont les pieds, croyait-il, eussent purifié la boue de Sodome. Oh, sans doute, c'était sa voix inexprimablement dégradée, tombée du ciel, roulée dans les sales gouffres, où meurt le tonnerre. Mais c'était sa voix tout de même, à ce point qu'il fut tenté de s'enfuir en criant et en sanglotant. C'était donc vrai que les morts peuvent se glisser de la sorte parmi ceux qui vivent ou qui font semblant d'être des vivants. Au moment même où la vieille prostituée lui promettait sa viande exécrable, et dans quel style, juste cieux, il entendait sa sœur, mangée par les poissons depuis un quart de siècle, lui recommander l'amour de Dieu et l'amour des pauvres. « Si tu savais comme j'ai de belles cuisses, disait le vampire. Si tu savais comme Jésus est beau, disait la sainte. » « Viens donc chez moi, gros polisson, j'ai un bon feu et un bon lit, tu verras que tu ne t'en repentiras pas, reprenez l'une. Ne fais pas de peine à ton ange gardien, murmurait l'autre. » Involontairement, il prononça tout haut cette recommandation pieuse qui avait rempli son enfance. La quémandeuse, à ces mots, reçut une secousse. Et se mit à trembler. Levant sur lui ses vieux yeux liquides, sanguinolents, miroirs éteints qui semblaient avoir reflété toutes les images de la débauche et toutes les images de la torture, elle le regarda avidement, de ce regard effroyable des noyés qui contemplent une dernière fois le ciel glauque à travers le vitre d'eau qui les asphyxie. Il y eut une minute de silence. « Monsieur, dit-elle enfin. Je vous demande pardon. J'ai eu tort de vous parler. Je ne suis qu'un ancien chameau, une paillasse à voyous, et vous auriez dû me jeter à coups de pied dans le ruisseau. Rentrez chez vous, et que le Seigneur vous protège. » Maxence confondu, la vit aussitôt s'enfoncer dans les ténèbres. Elle avait raison, après tout, il fallait rentrer. La tardée se dirigea donc vers le boulevard de Grenelle. Mais avec quelle lenteur! Cette rencontre l'avait assommé, littéralement. Il n'avait pas fait 10 pas que la vieille mangeuse de cervelle reparut, courant après lui. « Monsieur, je vous en supplie, n'allez pas par là. »« Et pourquoi n'irai-je pas par là ? » demanda-t-il. « C'est mon chemin, puisque j'habite Vaugirard. » »« Tant pis, il faut revenir sur vos pas, faire un détour, quand vous devriez marcher une heure de plus. » Vous risquez de vous faire assommer en traversant le boulevard. Si vous voulez le savoir, la moitié des souteneurs de Paris se sont réunis là pour leurs affaires. Il y en a depuis les abattoirs jusqu'à la manufacture des tabacs. La police leur a cédé la place. Vous n'auriez personne pour vous protéger. Et on vous ferait certainement un mauvais parti. Maxence fut tenté de répondre qu'il n'avait pas besoin d'être protégé. Mais il sentit par bonheur la sottise d'une telle bravade. « Soit, dit-il, je vais remonter du côté des Invalides. C'est un peu fort tout de même. Je suis éreinté et ce supplément de vadrouille m'exaspère. On devrait bien lancer de la cavalerie sur ces marlous. »« Il y aurait peut-être un moyen, dit la vieille, après un instant d'hésitation. « Ah, voyons ce moyen. » Très humblement, alors, elle exposa qu'étant fort connu dans ce joli monde, il lui serait facile de faire passer quelqu'un. Seulement, ajouta-t-elle avec une douceur surprenante, il faudrait qu'on pût croire que vous êtes une connaissance, et pour cela il serait indispensable de me laisser prendre votre bras. Maxence, à son tour, hésita, craignant quelque piège. Mais une force inconnue agissant en lui, son hésitation fut courte, et il put traverser sans injure la foule immonde, ayant à son bras et près de son cœur cette créature que félicitèrent au passage plusieurs bandits et qui était vraiment à décourager le péché même. Pas un mot, d'ailleurs, ne fut échangé entre eux. Il remarqua seulement qu'elle pressait son bras, se serrait contre lui beaucoup plus que ne l'exigeait strictement la situation, et même qu'il y avait quelque chose de convulsif dans cette étreinte. Le trouble extraordinaire qu'il avait senti s'était dissipé maintenant, qu'elle ne parlait plus. Il en vint naturellement à supposer une sorte d'hallucination, car tout le monde sait combien est commode ce précieux mot par lequel sont élucidés tous les sentiments ou pressentiments obscurs. Quand vint le moment de se séparer, Maxence formula je ne sais quel banal remerciement et prit son porte-monnaie, dans le dessein de récompenser l'étrange compagnie silencieuse qui venait peut-être de le sauver. Mais celle-ci, l'arrêtant d'un geste, « Non, monsieur, ce n'est pas cela. » Il vit alors seulement qu'elle pleurait, car il n'avait pas osé la regarder depuis une demi-heure qu'ils marchaient ensemble. « Qu'avez-vous ? » dit-il très ému. « Et que puis-je faire pour vous ? » ?»« Si vous vouliez me permettre de vous embrasser, » répondit-elle, « ce serait la plus grande joie de ma vie, de ma dégoûtante vie. Et il me semble qu'après cela, j'aurai la force de mourir. » Voyant bien qu'il y consentait, elle sauta sur lui, grondante d'amour, et l'embrassa comme on dévore. Une plainte de cet homme qu'elle étouffait la désenlaça. « Adieu, Maxence, mon petit Maxence, mon pauvre frère, adieu pour toujours, et pardonne-moi, cria-t-elle, maintenant je peux crever. » Avant que son frère eût le temps de faire le moindre mouvement, elle avait la tête broyée sous la roue d'un camion nocturne qui passait comme la tempête. Maxence n'a plus de maîtresse. Il achève en ce moment son noviciat de frère convert au monastère de la Grande Chartreuse. Léon Blois, histoire désobligeante. La dernière cuite. À Alfred Valette. Quand on est mort, c'est pour longtemps. Un héritier. Monsieur Fiacre prétexta la Balbarie. S'était retiré des affaires à 60 ans. Ayant acquis des richesses considérables dans son industrie de blanchisseur de cercueils. Jamais il n'avait déçu sa clientèle, et l'aristocratie genevoise, qui le surchargea si longtemps de ses commandes, n'avait eu qu'un cri pour célébrer son exactitude et sa loyauté. L'excellence de sa main-d'œuvre, certifiée par la soupçonneuse Angleterre, avait obtenu les suffrages de la Belgique, de l'Illinois et du Michigan. Sa retraite avait donc été l'occasion d'une grande amertume dans les deux mondes, lorsque de gémissantes feuilles internationales avaient annoncé que cet artisan fameux quittait les pompes du comptoir pour consacrer à de chères études ses cheveux blancs respectés. Fiacre était, en effet, un heureux vieillard dont la vocation philosophique et humanitaire ne se déclara qu'au moment précis où la fortune, beaucoup moins aveugle sans doute, et beaucoup moins rosse que ne le suppose une vaine multitude, l'avait enfin comblé de ses faveurs. Il ne méprisa point, comme tant d'autres, le négoce infiniment honorable et lucratif par lequel il s'était élevé de quasi rien jusqu'au pinacle d'une dizaine de millions. Il racontait, au contraire, avec l'enthousiasme naïf d'un vieux soldat, les batailles sans nombre livrées à la concurrence, et se plaisait à remémorer le coup de feu, parfois héroïque, des inventaires. Il avait simplement abdiqué, à l'exemple de Charles Quint, l'empire de la facture, afin d'embrasser une vie supérieure. Ayant en somme de quoi vivre, et devenu trop âgé pour prétendre garder longtemps encore le coup d'œil de l'homme d'affaires, ce je ne sais quoi de spontané qui déconcerte la place et culbute les manigances des compétiteurs, il avait eu la sagesse de se démettre avantageusement de sa puissance commerciale avant que l'étoile de sa patente eût commencé de pâlir. Désormais, il s'adonna, d'une exclusive manière, aux délices du genre humain, considérant avec une touchante lucidité le néant des combinaisons jusqu'à 7 heures élaborées, par de creux cerveaux pour l'atténuation de la misère, inébranlablement assuré, d'ailleurs, de l'utilité des pauvres, il crut avoir mieux à faire que d'employer, au soulagement de ce troupeau, les ressources financières ou intellectuelles dont il disposait. En conséquence, il résolut d'appliquer les dernières lueurs de son génie à la consolation des millionnaires. « Qui pense, disait-il, aux douleurs des riches, moi seul peut-être, avec le divin Bourget, dans ma clientèle raffole, parce qu'ils accomplissent leur mission, qui consiste à s'amuser pour faire aller le commerce, on les suppose trop facilement heureux, oubliant qu'ils ont un cœur. On a le toupet de leur opposer les grossières tribulations des indigents, dont c'est le devoir de souffrir, après tout, comme si les guenilles et le manque de nourriture pouvaient être mis en balance avec l'angoisse de mourir. Car telle est la loi, on ne meurt véritablement qu'à la condition de posséder. Il est indispensable d'avoir des capitaux pour rendre l'âme, et voilà ce qu'on ne veut pas comprendre. La mort n'est que la séparation d'avec l'argent. Ceux qui n'en ont pas n'ont pas la vie, et dès lors ne sauraient mourir. » Plein de ces pensées, plus profondes qu'il ne supposait, le blanchisseur de cercueil travaillait de toute son âme à l'abolition des affres. Il eut l'honneur d'être un des premiers qui fomentèrent la généreuse conception du crématoire. L'horreur traditionnelle de la mort, d'après ce penseur, était surtout procurée par l'image affreuse de la décomposition. Dans les comices d'incinérateurs qu'il avait élus pour leur président, il en racontait les phrases déroulant avec l'éloquence du trac toute cette chimie souterraine. Et la pensée de devenir fleur, par exemple, révoltait son imagination de comptable. « Je ne veux pas être une charogne, beuglait-il. Aussitôt, après ma mort, j'exige qu'on me brûle, qu'on me calcine, qu'on me réduise en cendres, car le feu purifie tout, etc. » Il fut exaucé pleinement, ainsi que vous l'allez voir. L'excellent homme avait un fils, comme il en faudrait souhaiter à tous ceux qui savent le prix de l'argent. Je demande ici la permission de perdre pied quelques instants et de m'enveler dans le dithyrambe. Dieudonné, la Balbarie, était, si j'ose le dire, encore plus admirable que son père. Conçu dans une heure insigne de triomphe, sur des concurrents téméraires, il réalisait en plein l'idéal des vertus solides, que les plus sérieuses maisons de crédit peuvent escompter. À 15 ans, il avait déjà placé des économies, et sa personne était tenue comme un livre. Barème consulté n'eût pu découvrir en lui rien de frivole. Le comble de l'injustice eût été de lui reprocher une minute d'enthousiasme, un accès, même réprimé, de fol attendrissement sur qui que ce fût, à propos de n'importe quoi. Son heureux père était forcé de s'appuyer à la caisse ou au comptoir quand il en parlait, tant il était ivre d'avoir procréé un tel garçon. Cet enfant de bénédiction vit et prospère. Il a même doublé son patrimoine depuis 3 ans qu'il est orphelin, ayant su se faire adorer d'une richissime gardeuse de tortues qu'il vient d'épouser, et beaucoup de gens le reconnaîtraient sans doute, si je ne craignais pas d'offenser les lys de sa modestie, en essayant de tracer son aimable image. Devine qui pourra, j'en aurais trop dit, peut-être, en déclarant qu'il a la physionomie d'un beau reptile, et qu'un bolosse de la taille la plus monstrueuse l'accompagne ordinairement. Voici maintenant l'histoire infiniment peu connue de la mort et des funérailles du père. Les amateurs d'émotions suaves sont invités à ne pas continuer cette lecture. Un matin, le médecin des morts constata que le grand fiacre avait cessé d'exister. Aussitôt, la Balbarie, fils, commença de fonctionner. sans gaspiller en vains pleurs, sans élimer l'étoffe précieuse de sa propre vie, c'est-à-dire le temps, suivant la noble expression de Benjamin Franklin qu'il citait sans cesse. Il mit en ordre et prépara tout sans perdre un instant. À 10h35, les journaux étaient avisés de son deuil, et l'expression de sa douleur s'éparpillait à 1000 exemplaires sur la rose entière des vents, les lettres de faire part ayant été judicieusement commandées et exécutées longtemps à l'avance. Même observation pour la plaque de marbre noir destinée au columbarium, où se voyait un phénix déployant ses ailes au milieu des flammes, et cette inscription terrifiante exigée par le défunt. « Je renaîtrai !» Il alla faire un tour en bicyclette, afin de se retremper la fibre par une énergique prise d'air. Déjeuna copieusement, reçut quelques visites et pleurait. Alla faire ses dévotions à la bourse, opéra vers le soir, quelques recouvrements profitables et passa la nuit hors de la maison pour marquer la violence extrême de son chagrin. Le lendemain, un somptueux corbillard, joncé de fleurs, et suivi d'une foule peu recueillie, apportait au crématoire la dépouille du décédé. « Ah ah, tu renaîtras !» disait en lui-même la fable Dieudonné, resté seul dans la terrible chambre ardente avec les deux hommes chargés d'enfourner son père. « Nous allons bien voir si tu renaîtras !» La bière administrativement et réglementairement façonnée en planches légères, pour être dévorée soudain par une atmosphère de 700 degrés, reposait sur le chariot mécanique dont les deux antennes de métal, lancées avec force, plongent les morts dans la fournaise et reculent en poussant un cri. Mouvement diastole et systole qui s'exécute en 25 secondes. Dieudonné en était donc là de son recueillement filial, lorsqu'un bruit se fit entendre à l'intérieur de la bière. Oh, un bruit sourd et bien vague, je vous assure. Mais, tout de même, un bruit, comme d'un faux mort, essayant de s'agiter dans son linceul. Il sembla même que la bière avait une oscillation. Au même instant, la porte du four, manœuvrée avec précision, s'ouvrait toute grande. Les trois faces rougies par l'atroce flamme se regardèrent. « C'est le corps qui se vide !» affirma tranquillement Dieudonné. Les deux autres hésitaient pourtant. « Mais allez donc, tonnerre de Dieu !» hurla tout à coup le parricide. « Je vous dis que c'est le corps qui se vide !» Et il planta dans la main du plus proche un paquet de billets de banque. Les antennes bondirent en avant et rebondirent en arrière. La porte se referma, mais pas assez vite, sans doute, car Dieudonné, posté bien en face, crut apercevoir dans l'embrasement instantané du cercueil les deux bras tendus et le visage désespéré de son père.